bonita, bonita banana. Bonita, bonita. La solitude fait peur et jamais on ne l'associe au bonheur. L'homme solitaire souvent est un sage, mais l'opinion jure que sa vie est ratale. Sache que la pire des solitudes infâmes vaut mieux que de t'avoir pour femme. On dit que chaque femme possède en elle une qualité qui les rend toutes belles. Mes insatiables croqueuses dames, t'avoir pour amante n'est que source de drame. Tu partages pour l'amour l'idéal d'un Lénine, mais ta cruauté est celle d'un Staline. Bonita, bonita. Aïe, aïe, aïe. Le galbe de tes jambes n'a d'égal que la beauté de ta bouche animale. Moi qui ai vu tant d'Apollon véritable entre tes mains devenir des minables. Bonita, bonita, où sont tes bananas? Où as-tu mis ta banana? Vous qui désirez la beauté, sachez qu'il nous faut toujours tout partager. On ne peut garder pour soi cette perle qui se nomme Hélène de Troie. Bonita, bonita, de l'amour tu m'as définitivement guérie.